J'fais goûter ses lèvres. De son amour j'en rêve. Mon cœur côtoie la fève. C'en est trop, faut que je me taise. Avec le temps faut que je laisse tomber. Oui bébé, je regrette de t'avoir trompé. Aujourd'hui je veux te combler. Avec le temps vas-tu pardonner. Tes peines cicatrisées, toute cette douleur vas-tu l'oublier. Les hommes jouent le jeu, les femmes savent le score. Devant toi je fais le mafieux, mes yeux fixés sur ton corps. Je sais c'est moi qui a tort. J'essaye de rester fort. Ma raison me parle mais mon amour pour toi me chante. Mon cœur sur la table, tu sais bien je suis pas méchant. J'en apprends de jour en jour. Dur de remonter la pente. J'suis pas fort en amour. Tu me raisonnes, je fais le sourd. J't'ai fait du mal. Le temps qui passe, les fois j'm'en passe. Mon beau cœur faut qu'on le casse. J'suis pas fort en amour. Tu me raisonnes, je fais le sourd. J't'ai fait du mal. Le temps qui passe, les fois j'm'en passe. Mon beau cœur faut qu'on le casse. Je n'ai lieu qu'en toi, est-ce que tu le vois? Qu'est-ce que tu crois? Je pense sans cesse à toi. À mes yeux t'es la plus belle des femmes. Oh oui bébé, tu as fait des drames. Je voulais faire de toi mon monde. Pourtant t'es en train de creuser ma tombe. J'suis pas le genre de mec qui te ment. Bébé, tu sais bien que je le sais. T'as un nouveau gadget. Dis-moi qui sait pas qui c'est. J'suis un rêveur. J'attends toujours de te combler. J'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. C'est moi qui veille sur toi, faut que tu le penses. Faut que tu le penses. Tout a un sens. J'suis pas fort en amour. Tu me raisonnes, je fais le sourd. J't'ai fait du mal. Le temps qui passe, les fois j'm'en passe. Mon beau cœur faut qu'on le casse. J'suis pas fort en amour. Tu me raisonnes, je fais le sourd. J't'ai fait du mal. Le temps qui passe, les fois j'm'en passe. Mon beau cœur faut qu'on le casse.